Page 57. Exercice 4. 1. Il se la coule douce. 2. Ces jeunes filles sont désœuvrées. 3. Ça, c'est ton travail. Eh bien, tu ne t'es pas foulé. 4. Le projet de loi est au point mort. 5. Mathieu, sors un peu au lieu de rester affalé devant la télé. 6. Tu verrais Félix, il ne fait absolument rien de la journée. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi paresseux.